fais pas le rameau. Tout Marseille le sait, à tout le monde tu dois de la maille. La monnaie ça rend beau. Tu méviens ta gâtière, tu laisses en chair à maman. Wow. Je les regarde de haut, j'ai la dalle, je vais les détruire. J'ai mes larmes, j'ai mon art et mon arme est dans l'étui. Prévenez les fils de bang bang, maintenant qu'ils appellent les kills day. Hein? Tu connais le système, t'as voulu nous baiser, tu repars avec des histoires. Wow. Celui qui t'appelle le sang est souvent celui qui te fait couler le tien. Les mêmes qui te lâchent pour une fraude. Une fois qu'ils sont enchaînés, normal ils reviennent. J'ai pas connu le piston, moi j'ai bossé. Fallait oser me poser des questions sur mes vues, mais là t'es gonflé. On a le temps de faire l'art et la manie, amigo. Bellec, on n'est pas les mêmes, on n'est pas de la même école. Toi, mais Smith et Wesson, tes amis d'en face te trahissent pour de l'espèce. Tes meilleurs potos depuis ta naissance, on brûle la naissance pour récupérer le terrain. Y'a plus de respect. Y'a plus de respect. Y'a plus de respect. Fais pas le Rambo. Tout Marseille le sait, à tout le monde tu dois de la maille. La monnaie ça rend beau. Tu fais bien ta gâtée, tu laisses en chien la maman. Fais pas le Rambo. Tout Marseille le sait, à tout le monde tu dois de la maille. On est fait, y'a le flow. Wow. On est hall, on est hard, on est carte et un plan, on y go. On arrive, on s'installe. Bang bang, Nino, pas besoin de cristal. Mamacita, on t'a vu venir de loin avec ton boule à Kimka. Vaut mieux avoir de 3K que de 3 mi hakkal. Je ne viens pas faire d'amalgame, ni pour faire du mal à madame. C'est pas mon genre de me la péter ou me vanter. Je m'en bats les couilles, t'as des sous, mais t'es un vendu. Tes belles paroles à tes gars, tu vas les chanter. Combien de fois derrière mon dos tu m'as descendu? Un APSC comme ce petit que t'as hakkal. Avant tu négligeais, maintenant t'as peur de lui. J'ai fait sortir les putes de ma vie et sa vie. Je les ai choqués avec ma ville et ma vie. Ghetto, hard shit, depuis qu'on est minor. Bédon, rap, beat. Maintenant on est des hommes. Bellec, j'rapplique, calage, cavale. Mani, j'frappe. Fais pas le Rambo. Tout Marseille le sait, à tout le monde tu dois de la maille. La monnaie ça rend beau.